Machine à calculer, infernale, organique. Parfois mon cerveau dégénère, boule de nerfs, volcanique. Confusion et désaccord, cacophonie inaudible. Lancinante, insupportable, comme une greffe incompatible. Cette chose crispée dans mon crâne rempli de barbelés. J'ai bien peur qu'elle implose ou qu'elle finisse écartelée. À striturer, sans répit pour des questions, sans réponse. Croyant fermement que le vrai est enfoui dans les ronces. Aucune solidarité, ni d'unique entité. Perpétuellement visitée par de multiples genres d'idées. Qui souvent se font la guerre, s'érigent des barrières. Sans pitié, sanguinaires, laissant des groupes anti-adhères. Chaque jour de nouveaux assaillants prennent part au combat vaillant. Ceux qui hier étaient gagnants partant s'y virent les pieds devant. Le soir venu quand l'heure est grave et la douleur aiguë, je m'endors nu sur les cadavres de mes pensées vaincues. Ne sommes-nous que des pantins, aux rouages confus, incapables de voir où leur propre fil conflue. Ne sommes-nous que de simples signaux électriques régissant une mémoire d'images et de lexique. Un disque dur hermétique, non froid et métallique, mais un réseau synaptique opaque et mécanique. Un cortex, un vortex et deux hémisphères, de la tête aux orteils, esclaves de ces mystères. Lui-même esclave des lois de la matière. Le lendemain s'échafaude sur les amas d'hier. Alors comment lui échapper à ce destin qui endoctrine, nous les esclaves de quelques glandes endocrines. Vas-y, retourne dans tous les sens, des questions sans grande importance. Décortique les miettes par miettes, analyse et interprète. Après tout arrivera peut-être en maquillant un paquet de lettres. Et puis quelques faits et gestes à permettre à mes tourments de devenir un peu plus digestes. En les détournant, allez torsionner, triture mes nerfs, ma matière grise. Que je frise la crise, écrase et brise moi mes putains torts, moi fort. Tiens-moi très tard le soir, mets du vin dans l'amphore. Bien que j'en ai marre de boire, remplis mon crâne à raborde. Liqueur de noirceur que s'imbibe tout mon corps et que se crispe mon cœur. Pourvu que tu m'offres ensuite un instant de repos intérieur. Lacéré, asséné de pensées acérées. Rance, rage et macéré, mon crâne est assiégé. J'essaie de me soigner, mais c'est soulager sainement. Les sous-jacents saignements qui les susurent, c'est seulement l'usure qui suture mes suppures. Car la rupture n'en sera que plus spectaculaire dans le futur, libérant tous mes spectres acculés. Une torture, il ne me reste que les sphères oculaires pour pleurer. J'attends que pleuve dans mon sein désertique les graines de sésame et je ne sens que des orties, des ronces, des chardons. J'espère les pardons, j'espère et pourtant j'excède. Les attentes, je sais que c'est latent, mais je sens cette schizophrénie incessante, crise effrénée qui dans mon cerveau frémit. Je danse sur des dents de scie et traits de mon passé, car c'est en cherchant les cimes que je creuse mon tracé.